ses gosses. J'frappe pour eux ces gosses qu'on la cerveuse en dessus. Sourds ceux qui se retrouvent à la DAS car les darons n'ont plus de sous. Sous les sons ces gosses qui pensent avoir un avenir flou. Pour ce témoin d'un drame qui finissent par devenir fou. J'rappe pour ces gosses ceux qui n'ont pas de force. J'rappe pour ces gosses ceux pour qui la vie se corse. J'rappe pour ces gosses qui sont tout le temps mis à l'écart. Qui sont choisis en dernier et en plus se mangent des tartes. J'rappe pour ces gosses laissés qui suivent le chemin de la délinquance. Qui touchent hit coke, alcool et tombent profond dans la dépendance. Et c'est ces gosses qui n'ont pas eu le choix. T'as fait dès leur plus jeune âge. Ceux qui depuis tout petit en bavaient dans la misère nagent. J'rappe pour ces gosses du Moyen-Orient. Ces gosses toujours souriants alors que dans les poches ils n'ont rien. J'rappe pour ces gosses victimes d'actes malsains. Et pour les coupables il faut la chaise électrique comme vaccin. J'rappe pour ces gosses tristes qui ont le cœur glacé. À qui il reste des séquelles qui peuvent pas être effacées. J'rappe pour ces gosses touchés par les maladies. Et j'rappe pour mes petits frères blessés qui ont du mal à le dire. J'rappe pour ces gosses qui doivent choisir entre père et mère. J'rappe pour ces gosses qui dans leur tête sont perdus en mer. J'rappe pour ces gosses innocents qui meurent, qui subissent leur guerre. J'rappe pour ces gosses qui de par leur mère sur 12 six pieds sous terre. J'rappe pour ces gosses qui se tapent contre la misère. J'rappe pour ces gosses qui ne verront jamais Val-Deezer. Pour ces gosses qui ont un frère dans le viseur. J'rappe pour ces gosses rejetons de gros tigres. Ces gamins sans famille qui crèvent de la famine. Qui pour aller en classe traverse des champs de mines. J'rappe pour tous ces gosses tout autour de la terre. Réveillés par les obus en ont mal à la tête. Yo, jamais à la fête car leur quotidien est sombre. Soit tu marches, soit tu tombes, soit tu manges, soit tu sombres. C'est pour ces enfants des caisses qui rappent leur détresse. Pour oublier ils mettent leur mal de vivre dans des textes. Et je dédie ce vers et mon fils s'appellera Ethan. La prunelle de mes yeux, celui qui touche cramera au métal. J'rappe pour ces gosses qu'on kidnappe pour les revendre. Le monde est un marché, regarde le Darfour. Ils se sont crus à Carrefour. Ces fils de pute viennent avec leur oseille. Ils sortent le bif puis brisent des familles entières. Alimentaire est la cause de tout ce bordel. J'rappe pour ces gosses victimes de blessures mortelles. D'agressions sexuelles ou d'une balle perdue. La vie d'un mioche de nos jours c'est super dur. Suffit d'un rien pour tout s'écroule comme des dominos. Je le sais bien c'est pour ça que j'rappe pour ces minots. J'rappe pour ces gosses qui doivent choisir entre père et mère. J'rappe pour ces gosses qui dans leur tête sont perdus en mer. J'rappe pour ces gosses innocents qui meurent, qui subissent leur guerre. J'rappe pour ces gosses qui de par leur mère sur tous ses pieds sous terre. J'rappe pour ces gosses qui se tapent contre la misère. J'rappe pour ces gosses qui ne verront jamais Val-Deezer. Pour ces gosses qui ont un frère dans le viseur. J'rappe pour ces gosses rejetons de gros teasers. J'rappe pour ces gosses qui doivent choisir entre père et mère. J'rappe pour ces gosses qui dans leur tête sont perdus en mer. J'rappe pour ces gosses innocents qui meurent, qui subissent leur guerre. J'rappe pour ces gosses qui de par leur mère sur tous ses pieds sous terre. J'rappe pour ces gosses qui se tapent contre la misère. J'rappe pour ces gosses qui ne verront jamais Val-Deezer. Pour ces gosses qui ont un frère dans le viseur. J'rappe pour ces gosses rejetons de gros.